Et lorsque le savant délaisse la science du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et suit le jugement du gouverneur. Le shir de l'islam, Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah, a dit: et lorsque le savant délaisse la science du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et suit le jugement du gouverneur qui contredit le jugement d'Allah et son messager, il devient apostat, mécréant, et mérite le châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alif, Lam, Mim, Sad ». C'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autre allié que lui. Mais vous vous souvenez peu. Même s'il est battu, emprisonné, ou qu'il subisse toutes sortes de nuisances, afin qu'il délaisse ce qu'il connaît de la législation d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, législation qu'il se doit de suivre, et suit le jugement d'une autre personne, il mérite alors le châtiment d'Allah. Il doit patienter s'il subit un préjudice dans le sentier d'Allah, car telle est la règle établie par Allah envers les prophètes et ceux qui les suivent. Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, 35, 373.